Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM. Alors, que j'ai intitulé « Renforcement des soins de proximité » dans le pays de Remiremont, bien entendu. Alors, pourquoi j'ai voulu consacrer cette chronique à ce sujet? Tout simplement parce que l'association ADEMAT-H, donc, a tenu à distribuer une information, c'était il y a quelques jours de cela, parce que le pays de Remiremont mettait en œuvre avec l'ARS une réflexion sur les déserts médicaux. Et justement, je pense que ADEMAT-H était en plein dedans, parce que c'est vrai que l'hôpital public était quand même le premier maillon de la présence médicale. Et que dit ADEMAT-H? Avec une surmortalité prématurée avant 60 ans non liée à l'âge, de plus de 20% par rapport à la moyenne nationale, il est plus que grand temps que l'ARS s'en inquiète. Alors, bien sûr, à partir de là, ADEMAT-H fait des propositions. La première, refusant la transformation du CHG de Remiremont en EHPAD, offre de soins graduée égale offre de soins dégradée égale perte de chance. Avant de parler de renforcement, il faut déjà maintenir l'existant et en premier lieu le centre hospitalier général de Remiremont. Et ADEMAT-H de dire « Refusons la mise en place d'un unique centre hospitalier de référence pour toutes les Vosges. Chaque Vosgien doit disposer près de chez lui d'un plateau technique avec permanence des soins en médecine, chirurgie, obstétrique, urgence, 24 heures sur 24. » Parce que comme vous le savez, ce qui est en jeu aujourd'hui, maintenant, sur l'hôpital de Remiremont, c'est effectivement une absence de permanence des soins 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'on pourra assister à un hôpital où tout ferme à 5h30, quoi, à 17h30. Et puis, ADEMAT-H de dire... S'il n'y a plus de CHG à Remiremont, il n'y aura plus de médecins généralistes qui voudront s'installer dans les vallées. C'est sûr que le médecin généraliste, quand même, c'est pouvoir s'appuyer à proximité sur un centre hospitalier qui leur offre des échanges avec des spécialistes, des spécialistes en milieu hospitalier. Pour cela, l'ARS doit renoncer à son contrat plan de performance qui vise à transformer le CHG en hôpital de proximité, soit un EHPAD amélioré. Le COPIL, alors c'est la coordination entre les hôpitaux, du 5 novembre, c'est bientôt, doit mettre en échec cette perspective. Les conseils de surveillance doivent également s'y opposer. Le déficit des hôpitaux publics de France est organisé par l'État à travers la course à la rentabilité et la sous-revalorisation des actes. C'est à lui d'accorder les moyens à nos élus de les demander. Voilà une partie de la déclaration de ADEMAT-H. Alors, le deuxième volet, c'est « Stoppons la dégradation de l'offre de soins. Exigeons le retour de la permanence de soins en cardiologie des 22 lits, plus 2 fermés le 1er juin 2018. » Le maintien des tests d'effort 2 jours par semaine et non sur une seule demi-journée, comme depuis peu. Refusons la fermeture de 15 lits sur 29 en diabétologie prévue le 1er janvier 2019. À propos de la diabétologie, effectivement, c'est quand même l'un des fléaux, j'allais dire. C'est un problème de santé publique, le diabète, et je crois que aujourd'hui, fermer des lits de diabétologie à Remiremont, c'est véritablement faire peu de cas d'une affection dont il faudrait renforcer le traitement et la prévention. Voilà, en troisième lieu, ADEMAT-H parle d'amélioration. Mettons en place les consultations ophtalmologiques plusieurs journées par semaine à l'hôpital public de Remiremont. Vous savez qu'aujourd'hui, pour obtenir une consultation, simplement pour changer ses verres de lunettes, il faut un an. un minimum. On pourrait se croire quand même revenu d'un des pays sous-développés à tel point que on manque d'ophtalmologistes et que bien sûr on peut pas avoir de consultation ophtalmo dans un délai appréciable. Créons une unité de chirurgie ambulatoire pour la cataracte, au moins une journée par semaine, c'est ce que demande un dématache. Tous les outils ont été achetés, nous dit-on, et les besoins sont manifestes. Voilà, et puis un appel aux professionnels, bien sûr, qui pourraient avoir des idées quand même, comment qu'on peut améliorer le système de soins, qui est déjà très dégradé, il faut le dire, par rapport à nos vallées. Et puis il y a eu une motion qui a été proposée et votée à l'unanimité des membres présents ou représentés à l'Assemblée générale d'ADEMAT le 12 octobre. Et cette motion a été également distribuée donc à l'entrée de ce forum qui parlait justement des déserts médicaux, mais pas seulement. Alors j'aurai l'occasion d'y revenir sur cette motion. Ce qui est sûr, c'est que effectivement, la motion reprend un petit peu ce que je disais à l'instant, ce que dit ADEMATACH par rapport à la proximité des soins. Parce que maintenant, tout est biaisé. On parle d'hôpital de proximité. En fait, pour l'ARS, l'Agence régionale de santé, l'hôpital de proximité, c'est un hôpital qui n'offre plus des soins 24 heures sur 24 au public extérieur. Donc c'est quand même, alors qu'aujourd'hui, dans les urgences, dans certains secteurs, on a des témoignages qui vont dans le sens de dire les attentes sont de plus en plus longues. On a l'impression de se retrouver dans l'Angleterre de Margaret Thatcher des années 70, où effectivement les coupes budgétaires faisaient que l'hôpital public en Angleterre avait perdu énormément et devenait la risée de l'Europe, puisqu'on attendait quelquefois un an pour se faire poser une prothèse de hanche, par exemple, pour ne citer que ça. Et en France, on commence à adopter les mêmes méthodes et on risque d'avoir les mêmes résultats. C'est-à-dire que la qualité de l'hospitalisation publique était l'une des meilleures du monde, sinon la meilleure du monde, aujourd'hui, elle paraît-il passée en 15e rang dans le monde, question de fiabilité, d'accueil, etc., de délai. Voilà, je crois qu'il y a de quoi méditer. On reparlera souvent de l'hôpital d'Ormiremont, puisque c'est quand même un sujet qui reste toujours d'actualité. Il y a un bras de fer en ce moment entre la commission médicale d'établissement, l'ARS, le directeur, etc., pour le maintien justement des soins 24 heures sur 24, l'accès aux soins 24 heures sur 24 à l'hôpital d'Ormiremont. Bon, je vous laisse méditer au cours de cette journée, que je vous souhaite la meilleure possible, et je vous donne rendez-vous jeudi prochain, si tout va bien.